Même dans mes rêves, je pense à ce tribunal et à mon fils, mon corps crie, je crie. Me réveillant, stress, gueulant. Matisse, les 22 du mois, je pense à son anniversaire, ne pouvant le voir. Casus Belli, lancé par sa mère. Une milliard de mots me ronge de l'intérieur. Chaque jour de nouveau s'ajoute sur l'état antérieur. Faut que je rebâtisse ma vie. Avec qui? La jalousie m'a bouffé, ces putes m'ont détruite. Je vais pas me lamenter sur mon sang. Pas de mur pour ça. À la vitesse où les merdes m'arrivent, je m'exposerai comme Sénat. La réussite m'obsède, me poursuit la peur de l'échec. Petit à petit, j'exorcise. J'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Je fais partie des gens qui cogitent. Heureusement que j'ai la zig pour m'éviter d'être hypocrite. Pour terrasser les images sombres d'un autre terre. Même si j'ai bien compris maintenant que je pourrais jamais y mettre un terme. Donc je m'accroche. Malgré les doutes, malgré les tempêtes. Malgré que les hommes attisent le feu pour raccourcir les temps de paix. Malgré les politiques et leurs coalitions qui nous promettent mon émerveille mais ne trouvent jamais de solution. Par la traîtrise, je la vois partout. Par la haine et la guerre qui s'associent et fracassent tout. Obsédé. Par les fanatiques en tout genre, je me dis qu'on n'est pas à l'abri de revoir un jour en septembre. Obsession. Trop grasse, me colle à la peau hardcore comme les interrogatoires. Guantanamo. Elle s'installe et me lâche pas. Des fois, entre péter un câble et rester calme, y'a qu'un pas. Obsession. J'en peux plus, je veux la perdre, je veux la voir partir. Martyr, je veux la perdre. Elle me brise, elle me casse les jambes. J'ai un panard dans les flammes, dans une flaque d'essence. Obsession. Là, elles me suivent. Moi, cette crainte de l'échec me pèse vraiment. Je pourrais te grimper les brestes pour une tierce raison. Reconnaisse l'espoir que je reste fidèle à mes rêves et que le verbe croire puisse éclairer mes traits de l'éveil. J'quête les traîtres qui sont là, ils rôdent près de mes vertèbres. Ces flags, ils me fraudent, ils parlent de respect. Mais c'est les experts dans l'art de serrer la pince avec un air de pervers. Cette façon, ils sont tous comme ça. La gousse me raconte pas de couilles, j'suis pas con, mais qu'avoue que ça grouille de partout dans me lâche. J'suis pas fou, ils veulent me voir bouffer. Je suis possédé par des craintes, des questions et des appréhensions. Je peux pas trouver les réponses, j'en ai pas la prétention. Je suis inquiet pour le futur et pour ma prévention. Parce qu'il paraît que c'est maintenant quand on prend ses précautions. Ensuite il faut savoir esquiver toutes les maladies. Et faut être bon car on ne pardonnera pas les malhabiles. Je me rassasie en somme, obsédé par la zic. Et je comprends pas ce qui nous manque, où sont les parasites. Je suis omnipulé par l'argent mais j'en veux pas tellement. Voudrais seulement finir le mois sans tomber fatalement. Je suis en stress constant si j'ai pas la fumée. Et même avec, je suis dur à gérer dans la forêt. Obsession. Trop grasse me colle à la peau hardcore comme les interrogatoires Guantanamo. Elle s'installe et me lâche pas. Des fois entre péter un câble et rester calme, y'a qu'un pas. Obsession. J'en peux plus, je veux la perdre, je veux la voir partir. Martyr, je veux la perdre. Elle me brise, elle me casse les jambes. J'ai un panard dans les flammes, dans une flaque d'essence. Obsession. Là elle me suit. Obsession. Là elle me brise. Obsession.